Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 27e numéro de Sur nos écrans, un numéro durant lequel on va vous faire le débrief du retour d'iZombie pour son début de deuxième saison. On vous proposera également notre petit récap rapide de notre semaine série. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 27e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi pour cet épisode, Arnaud. Salut. Et Irish. Salut. Alors, notre rituel va continuer cette semaine. Nous allons chacun faire notre petit bilan rapide, donc à peu près 1 minute 30, de notre semaine série. Et on va commencer dans l'ordre de présentation. C'est toi, Arnaud, qui va donc commencer. Alors, ta semaine série. Un haro catastrophique. C'était vraiment pas possible. Comment en 2015 on peut écrire un épisode pareil? On en reparlera bientôt. Ouais. The Flash qui était plutôt bon. J'ai passé un bon moment devant l'épisode. Ce début de saison reste quand même assez inférieur à la seconde partie de la saison qui était vraiment plein de tensions et excellente. Agents of Shield plus calme cette semaine, mais que je trouve toujours dans un niveau très correct. Hein. Mais c'est surtout The Walking Dead que j'avais quand même assez bien défoncé démonté la semaine dernière là. Et qui là pour le coup pour son deuxième épisode m'a assez bluffé. Ah, la preuve qu'ils savent écrire de bons épisodes. Elle est pas là, elle le dit malheureusement. Je sais pas quelle drogue ils ont pris pour écrire ce deuxième épisode, mais qu'ils en prennent chaque semaine, parce que si c'est avec ça ils arrivent à écrire de bons épisodes, qu'ils le fassent. Mais voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, des personnages intéressants, des qui sont pas stupides dans leurs actions, des rebondissements. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait dans cet épisode. Bon, c'est pas non plus parfait, mais c'était très convaincant. Mais ça m'a posé la question, mais au final, hein, il faudrait buter Rick. On s'en fout de Rick. C'est Carole, l'héroïne, là. Et donc vous avez buté Rick, à la limite Daryl aussi, il va absolument pas manquer une seule fois. Donc Rick et Daryl peuvent partir, surtout Rick. Et au moins on pourrait peut-être avoir d'autres personnages qui pourraient évoluer, comme Carl qui maintenant est plus tête à claque puisqu'on le voit plus. Même si je me souviens il y a quelques épisodes où il commençait à le développer et justement je crois quand ils arrivaient à Alexandria. Et c'était assez prometteur et ils ont un peu laissé le personnage de côté. Donc ça pourrait de virer certains personnages, ça pourrait permettre de faire évoluer d'autres, de donner une plus grande importance à Carole qui le mérite. Et donc voilà, c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose de bien, bordel. Voilà, et je vais te couper là parce que tu es déjà à 2 minutes 30 passées. Donc... Oups. Ça suffira pour cette semaine. Irish, ta semaine série. Donc, ma semaine série, je vais commencer comme Arnaud a terminé, avec l'épisode très enthousiasmant de The Walking Dead. Là, pour le coup, c'était vraiment, comme je disais, j'ai eu raison de laisser une petite chance au premier épisode de la saison. Et là, j'ai trouvé l'épisode vraiment très, très, très rythmé, très agréable à suivre avec tout ce qu'on demande de The Walking Dead. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est la série que je mettrai en avant cette semaine. Ensuite, Arrow, j'ai pas fini l'épisode et c'est vrai que ça devient de plus en plus pénible. Hein. Ça devient de plus en plus pénible. C'est mal écrit avec des faux suspense. Notamment, je parlais de Sarah avec. On a vu le trailer de Legend of Tomorrow. Donc, je sais plus ce qui va se passer. Je regarde ma Agent of Shield qui maintient la barre haute, donc ça reste toujours agréable à suivre et ça promet énormément pour la suite. Donc, je suis très curieux, je suis toujours dégoûté quand l'épisode se termine et j'ai pas la suite sous la main pour pouvoir enchaîner. Mais bon, c'est plutôt bien, toujours aussi bien Agent of Shield. The Flash, c'est un épisode que j'ai trouvé très agréable, je me suis pas ennuyé devant. Donc au final, le bilan de ma semaine, c'est plutôt très bon. Très bon bilan pour cette semaine. Et allez, pour ma part, avant de vous livrer les séries que j'ai regardées, juste un mot sur DC Super Hero Girl, qui a commencé sur la chaîne YouTube sur une des chaînes YouTube de DC, voilà, l'univers féminin de DC, en série animée. Des petits épisodes, micro-épisodes de 1 à 3 minutes, voilà, chacun. Je suis clairement pas le public visé, mais voilà, ça fait le job, ça fait le job. Pour ma semaine télé, j'ai choisi de vous classer les épisodes dans l'ordre, de ceux qui m'ont le plus plu à celui qui m'a moins le plus, évidemment The Flash en numéro 1 avec Family of Frogs, tout simplement parce qu'il a développé le personnage de Captain Cold comme je l'aime, c'est-à-dire un Captain Cold à mi-chemin entre le bon et le mal, enfin voilà, qui est plein de nuances, vraiment un développement du personnage qui était vraiment vraiment réussi. Puis voilà, plein de choses super sympas. En deuxième, Agents of Shield pour ma part, l'épisode Devils You Know que tu es sympa, qui continue sur la lancée. iZombie sur le podium, mais vraiment égalité avec Walking Dead. Les zombies cette semaine, c'était plutôt bon. iZombie, on en parlera tout à l'heure. Walking Dead, grosse surprise, qui n'a fait que renforcer ma déception de l'épisode 1. Et pour moi, c'est cet épisode correct. Être season première, on aurait dû inverser les deux et ça aurait permis en plus de raccourcir cet épisode de transhumance complètement dégueulasse. Et du coup, il serait peut-être passé un peu mieux. Et attention, la grosse surprise, elle est là, c'est que ma dernière série, c'est pas Gotham cette semaine. Gotham est devant Arrow pour moi cette semaine. ce qui veut dire, une, événement, je suis à jour sur Gotham. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Et deux, Arrow, non, c'est plus possible, stop. C'est... Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Enfin voilà. Donc Arrow, évidemment, ferme la balle pour cette semaine, et c'était vraiment le pire épisode qu'on pouvait voir parmi toutes les séries. Et c'est dire, quand on voit ce qui est devant. On va pouvoir passer au débrief. Je l'ai plus ou moins amorcé, je l'ai mis sur le podium cette semaine. Est-ce que c'est le cas pour moi depuis le début? On verra ça dans notre débrief. Cette semaine, on va parler d'iZombie, qui est revenu il y a maintenant 3 semaines, puisqu'on a eu plusieurs épisodes déjà, pour sa deuxième saison. Après des plusieurs cliffhangers en première saison, on verra ce qu'il en est sur ce lancement au niveau de la suite. Un épisode qui, enfin une série qui suit plutôt la lancée de la première saison. On va développer tout ça. 3 épisodes qu'on va vous débriefer aujourd'hui. Le premier intitulé Grumpy Old Leave, le deuxième intitulé Zombie Bro, et puis le troisième, celui donc de la semaine dernière, Real Dead Housewife of Seattle. Dans ce titre. Les titres vendent du rêve. Quoi. Ouais. Rapidement, juste pour placer le curseur comme on le fait d'habitude et puis orienter un petit peu le débat à venir. Alors là, pour le coup, j'ai à peu près aucune idée de ce que vous allez me dire. Arnaud, par rapport à la saison 1 que tu avais beaucoup aimé, si je me rappelle bien. Oui. Où en est ce début de saison? Eh ben, c'est toujours aussi bien. Franchement, je suis surpris qu'ils aient réussi à garder le cap. J'avais peur qu'ils fassent beaucoup de changements. Et finalement, ils ont gardé le même ton, les mêmes choses qui m'ont ravi dans la saison 1. Et du coup, je suis super content. En plus, ils ont ajouté les nouveaux éléments mythologiques et le fil rouge qui s'installe, qu'on va parler après, me plaît. Me convainc pour l'instant, donc je suis super satisfait de ce début de saison. Irish, alors toi, c'est un peu particulier. Tu me disais juste avant de commencer l'émission tout à l'heure que tu n'avais pas regardé iZombie. iZombie, ouais. J'ai commencé directement à l'épisode 1 de la saison 2. Quoi? Il a fait ça, oui. Ouais, j'ai fait ça. Après cet épisode, je suis repassé à l'épisode pilote parce que j'ai beaucoup aimé l'univers de cette série. Je trouve que ça a un petit côté british, même si ce n'est pas du tout british. Même dans l'humour, il y a ce petit côté des séries british que j'aime beaucoup. Et donc, j'étais curieux un peu de savoir comment avait été traité son développement, comment elle a obtenu son pouvoir de vision, comment elle est devenue zombie. Et je veux dire que ça m'a donné beaucoup envie de m'y mettre complètement, de rattraper tout ce que j'avais pas pu voir jusque-là. Donc finalement, a priori, ce podcast t'aura permis de découvrir les zombies, et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, voilà, exactement. Ok. Pour ma part, pour placer un peu le curseur aussi, je vais quand même être en retrait par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, les deux premiers épisodes, ça a été dur. Ça a été dur pour moi parce que c'est bon, la mécanique on l'a compris, elle bouffe un cerveau, elle prend la personnalité, etc. Et ça devenait un peu répétitif. Je ne retrouvais pas le sel qui faisait la saison 1 et le petit piquant qu'il y avait dans tout ça et qui m'avait vraiment accroché et vraiment séduit. Voilà, je commençais à m'en lasser, vraiment. Et puis l'épisode 3, ce Real Dead Housewives of Seattle, m'a réconcilié pour le moment avec la série. Et voilà, j'ai retrouvé ce qui me manquait et du coup, ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que déjà, on peut partir sur, je vais vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous avez senti un contraste entre les deux premiers épisodes, comme moi, et le troisième? Ou est-ce qu'il n'y a que moi? Non. J'ai trouvé le premier épisode plus faible que les deux premiers. Et oui, des trois, le meilleur épisode et le mieux construit, le mieux structuré, c'était le troisième. Mais j'ai pas non plus senti forcément un changement de ton, comme tu dis. C'est pas forcément un changement de ton, c'est que. Niveau qualitatif dans l'écriture, oui, le troisième était bien mieux écrit que les deux autres. Il y a ça, il y a plusieurs idées intéressantes. Enfin, peut-être aussi que le cas de la semaine et la personnalité que prend Liv dans cet épisode Oui. est quelque chose qui m'a plus plu, parce que c'est vraiment une espèce d'une vieille bitch, mais vraiment, enfin, voilà, très pleine de réparties, avec voilà, hyper Ah, c'est intéressante, hyper ce que j'ai intéressante. beaucoup aimé, c'est ce qui m'a beaucoup Et plu. Moi, voilà, j'ai il y a pas. peut-être aussi le fait que les personnalités qu'elle a chopées dans les deux premiers épisodes me plaisaient moins, mais les deux premiers épisodes me semblaient plus mécaniques. On avait plus voilà, une machine qui Je était suis le d'accord cerveau. pour Elle mange son le cerveau, le meurtre, elle mange son cerveau, elle prend la personnalité, résolution, au revoir, à la semaine prochaine. Et il y avait moins d'âme, il y avait moins de sel, moins de piquant, je sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose qui m'est Non, revenu avec le c'est troisième. bon. Je vois Ah, ce tu que vois tu veux ça? dire. Dans le premier épisode, c'est un peu ça. Toute la première partie de l'épisode, c'est le cas de la semaine ce voisin qui a été tué là dans une espèce dans la banlieue de Seattle, je crois. Oui, c'était assez mécanique. Il y avait rien de surprenant. T'as toute la première partie de l'épisode qui est comme ça, et dans la seconde partie de l'épisode, ils commencent à réintroduire des personnages comme Blaine, à insérer des éléments mythologiques comme Major et le boulot qu'on lui donne à la fin de l'épisode. Donc ça commence à s'installer au fur et à mesure dans la seconde partie de saison, mais je suis d'accord de l'épisode, pardon, mais je suis d'accord que la première partie est vraiment très très mécanique et pas du tout surprenante. Ce qui est inférieur à comment on nous avait laissé à la fin de la saison dernière. Mais dans le deuxième, et encore plus, pardon, encore plus dans le troisième, hein, tout ça se révèle davantage et bien mieux mélangé dans l'affaire de la semaine, je trouve. Ouais. Irish, du Oui. coup, toi qui as un œil neuf sur cette série, au niveau de ce décalage entre les épisodes, qu'est-ce que Moi, tu as j'ai ressenti? pas pu aller jusque, parce que comme j'ai expliqué une fois après avoir regardé l'épisode 2, je suis Ouais. allé plutôt regarder la D'accord. saison 1. Donc, mais par contre, un truc que j'avais pas compris, j'avais pas remarqué, c'était qu'en mangeant le cerveau, elle prenait la Bon, personnalité. c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien Ouais. expliqué dans la première saison et qui est peut-être moins évident à voir si tu commences effectivement comme tu as Voilà, commencé. exactement. Donc du coup, par contre, du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé son personnage. En pensant que c'était ça le personnage, elle était comme ça. Et elle avait une répartie croustillante et elle balançait Ah des oui, si, vannes. elle a une grande répartie, elle balance plein de vannes, ça arrive souvent. Mais là, notamment à un moment, elle fait une réflexion mais bien raciste à son collègue policier là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Dans l'épisode Dans l'épisode, enfin, le premier épisode. Ouais. Et Oui, bah oui, voilà. quand elle Oui, mais ça, c'est à récupère. cause de la personnalité, c'est parce que. Exactement, et voilà. Maintenant que Ah ouais. vous en parlez, bah, maintenant ça Oui, me mais. revient. Mais moi, j'étais mort de rire et j'avais l'impression qu'il était vraiment comme ça et il se rendait pas compte. Maintenant, je comprends Ah non. C'était la personnalité. T'as un élément en plus qui fait que voilà, tu peux comprendre. Bah, ça rend encore plus, ça rend encore plus curieux par rapport à cette série. Après, la Liv, quand elle est elle-même, sans être influencée par la personnalité de quelqu'un dont elle a mangé le cerveau, elle est quand même. Elle est quand même assez acerbe. Quand même assez, voilà. Plein d'ironie. Voire même de cynisme. Elle est vraiment, c'est vraiment. Ouais. Tiens, voilà, et c'est en ça que moi je retrouvais un peu le côté anglais dont tu pouvais parler, Irish, tout à l'heure. Je le sens bien à la personnalité de Liv en tant qu'elle-même. C'est vraiment son petit côté comme ça, pincant parfois, qui moi me plaît beaucoup. Donc voilà pour grosso modo l'évolution entre les épisodes 1 à 3. Le cast secondaire qui était quand même une force de la saison 1, on avait beaucoup aimé certains personnages. Qu'en est-il, Arnaud, du coup, toi qui peux comparer par rapport à la première saison? Ravi, par exemple, j'adore toujours autant le personnage. Mais à ma déception, il a moins d'importance dans ces trois premiers épisodes. Il est vraiment mis en retrait, oui. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça assez décevant. Alors, t'en es où, Irish? T'as vu les trois ou pas? Non, j'ai vu le premier. Et d'accord. Effectivement, oui. Bah, moi, donc, je vais essayer de parler en codé. Mais tu peux y aller. Ça, parce que non, mais podcast, tu vois ce que je veux dire, Mathieu, à la fin du. Il y a un personnage qui revient à la fin du 3. Qui va sans doute relancer les relations entre les personnages, notamment avec Ravi. Et donc je pense que par la suite il va prendre plus d'importance, qui va me ravir, sans mauvais jeu de mots. Clément, c'était sans faire exprès. Mais oui, non, j'étais un peu déçu. Ravi était beaucoup mis de côté. Babino sert vraiment toujours à rien. Enfin, il sert dans l'enquête de la semaine, puisque c'est un flic. Il est là, il balance quelques vannes de temps en temps. Mais on sait toujours rien de lui en dehors de sa vie. Il n'a pas plus d'interaction que ça avec les personnages. Et du coup, je suis en train de penser là en parlant, je suis en train de me dire, mais il serait peut-être temps qu'il sache la vérité sur Liv pour que le personnage prenne une nouvelle dynamique. Ce serait peut-être intéressant. Pas encore, parce que du coup. Pas tout de suite, mais que ça arrive bientôt quand même. Ça porte encore pas mal de situations hyper, hyper sympas, assez marrantes même parfois, et du coup. Ouais, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé, surtout dans l'épisode 2 et 3. Avec les personnalités que Liv prend dans l'épisode 2, elle a la personnalité d'un étudiant de frat boy, un étudiant de fraternité, ouais. Américain. Donc c'est le mec un peu macho, sexiste, qui balance des bros à tout va. Et dans le 3, c'est la femme riche, bitch, qu'on a un peu rien à foutre des gens et qui pense qu'elle est à la mode et tout. Et c'est deux personnalités qui contrastent énormément avec qui elle est réellement. Et à aucun moment, le mec se pose des questions. D'habitude, c'est une femme, comme elle est d'habitude, et dans le 3, c'est la meuf hyper sèche qui pense qu'elle a mode, même juste à la façon de s'habiller, d'un coup elle met des robes, elle veut plus marcher parce qu'elle a pas mis les bonnes chaussures, elle met des faux ongles, tout ça, alors qu'elle a jamais fait ça avant, et le mec à aucun moment ne se pose des questions. Si, on le voit dans son regard et tout qu'ils en posent. Dans son regard, oui, mais je trouve que c'est vraiment pas suffisant. C'est le petit point comique, de la manière dont il la regarde par moment à certaines réactions, c'est le petit moment comique. Mais je trouve que c'est pas logique que le mec se pose aucune question de ces changements de personnalité d'une semaine à une autre. Deux semaines avant, dans l'épisode 2, elle se comportait comme un adolescent. Et la semaine d'après, c'est la meuf bitchy qu'elle n'a pas d'habitude. Et le mec se pose pas de questions sur ses changements de personnalité à tout va. Non, il s'en pose pas parce que déjà. Je trouve que c'est un défaut justement. Déjà, j'aime bien le fait qu'il soit un peu le con du dîner entre guillemets. Les situations que ça apporte, voilà, manqueraient s'il venait à apprendre la vérité tout de suite. Et puis, il se pose pas de questions parce que pour lui, Liv, elle est médium, donc elle est quelque part un peu tarée. Et du coup, ça le choque pas plus que ça. Il est surpris sur le coup de voir telle ou telle réaction, mais finalement, vu que pour lui, médium doit être plus ou moins lié à taré. C'est pas si bizarre que ça, le fait qu'elle change tout le temps de personnalité en fonction des cas qu'elle étudie. Pour lui, peut-être tout simplement qu'une médium s'immerge un peu dans le personnage, dans le cas qu'ils ont à traiter, et voilà. Et du coup, ça peut peut-être lui suffire pour le moment comme explication. Ouais, je sais pas. On a quand même vu ça, on a vu quand même ça pendant 13 épisodes, et je trouve que ça ronfle un peu là, qu'il faudrait une nouvelle dynamique avec ce personnage-là. Et je pense qu'à un moment, il découvre la vérité, ou en tout cas une part de vérité, ou qu'il y ait quelque chose qui change dans sa relation avec le personnage, parce que pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Et c'est ce côté-là où il se pose aucune question, il y a des choses assez étranges qui se déroulent dans certaines enquêtes ou quoi, il se pose pas plus de questions que ça, à part l'enquête du final avec Major. Mais je trouve que son personnage tourne en rond, tout ce qui tourne autour de lui, voilà, tourne en rond, désolé pour mes phrases. Mais je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ce personnage-là, plus que Ravi qui est... On a déjà vu son potentiel dans la saison 1 qui est très, très intéressant, mais qui a été laissé de côté dans ces trois épisodes-là, mais qui va sans doute revenir sur le devant de la scène avec la fin de l'épisode 3. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème avec Babino. C'est un peu le mec qui ne sert pas à grand-chose à part être l'élément policier pour régler le cas de la semaine, mais qu'à côté de ça, on s'en fout de développer le personnage. Moi, je pense que... Il y a eu un épisode qu'il a un peu développé parce qu'on... Ça a déjà été adressé, ça, dans un moment dans la série. Je ne sais pas qu'il ne se pose pas de questions, c'est qu'il a compris. Je suis sûr qu'il a compris au fond de lui, mais qu'il n'est pas prêt à se poser ce genre de questions et qu'il n'est pas prêt à rentrer dans ce genre de théorie et de révélations et avoir un peu du coup sa vision d'existence basculer complètement, parce que effectivement il est flic, il est rationnel, il se base sur des choses rationnelles, sur des indices, etc. Et admettre ce qu'il sait, parce que pour moi il le sait, il l'a compris, mais admettre ça, ça serait remettre en cause trop de choses, et il est pas prêt encore à le faire. Il peut pas avoir compris tout ce qu'il y a autour des zombies. Il se doute qu'il y a des trucs de bizarres qui se passent. Il est pas con du tout, et je pense que voilà, il a compris. C'est peut-être temps d'analyser ça. Mais qu'il est pas prêt à l'accepter et qu'il est pas prêt, voilà. Ouais, mais à côté de ça, il sert non plus à rien. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ce personnage. J'aime bien, mais sans plus, puisque il sert pas à grand chose. On n'en sait pas davantage sur lui. Il a pas une grande importance. Enfin, s'il mourait, ce serait pas. On mettrait un autre flic à sa place, qui a un peu la même personnalité, un peu plaisant, un peu rigolo, un peu marrant, tout ça, ça fonctionnerait aussi. Mais c'est vrai que pour le peu que j'ai regardé pour l'instant, tu me donnes à comparer, le personnage de Ravi est 10 fois plus intéressant, plus drôle, plus enjoué que le personnage de Clive. Ça c'est sûr, après il est aussi présenté de cette façon. Mais à la rigueur, je suis content qu'il y ait encore un personnage comme ça qui a du potentiel et qu'on va pouvoir exploiter et faire prendre un sens tout nouveau, enfin voilà, quelque chose de... Plutôt que d'utiliser tout le monde et de faire comme dans Arrow, se taper des TA qui sont surdéveloppés et surinintéressantes surtout, je préfère à la rigueur qu'ils en gardent un peu sous le coude avec celui-là pour pouvoir le faire exploser plus tard. Moi, ça me dérange pas du tout. Bah, j'aimerais bien que ça aille vite parce que là, il est vraiment sous-développé. Là, pour le coup, je suis plutôt patient avec cette série et j'ai plutôt envie de les laisser voir. Donc bon, en dehors de ça, effectivement, Ravi, on en a parlé, et puis il y a également Major, qui est quand même un tournant dans sa vie depuis la fin de saison 1, et du coup qui se voit proposer un boulot assez particulier, puisqu'il a un pouvoir maintenant, c'est qu'il est capable de sentir, de ressentir si les personnes qu'il a en face de lui sont ou non des zombies. Et du coup, il va avoir comme mission d'être un peu un tueur à gages, parce qu'on va lui donner une liste. Et il va falloir qu'il détermine si vous ou non ces personnes sont des zombies, et si elles en sont, les tuer. Mais justement, ça, je connais pas trop le personnage, mais c'est dans son caractère, comme ça, à la fin de l'épisode 1, il tue de sang-froid, comme ça, un zombie. Non, il était pas comme ça avant. Ouais, c'est vraiment avec le développement de la saison 1 qui a forgé le personnage de cette manière. Là, il se découvre encore des choses, être capable de faire des choses qu'il aurait jamais pensé être capable de faire avant tout ça. Parce que c'était vraiment le fiancé modèle, bien rangé, tout ça. Enfin, ouais, au début, il était un peu fade. C'est ça, on était loin du personnage avec autant de contraste et de couleurs que ça. Et finalement, il se révèle petit à petit. Et là, effectivement, là, il doit faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé le voir faire. Ça m'a l'air un peu radical, par exemple. Je peux comprendre. Hein. J'ai vu le récap de la saison 1. Ce qui a été amené à faire, c'était un peu pour sa copine, en quelque sorte. Oui, il y a cette relation. Mais là, c'est tuer de sang-froid comme ça, C'est parce que t'as pas vu le final. Ouais, T'as c'est pas vu ça. le final. Y a quand même... Si t'avais vu le final, le changement te poserait pas de problème. Ok. Bah, je vais rattraper ça. C'est ça. Comme ça. Donc du coup, c'est intéressant ce qui lui arrive. Ouais, moi j'ai comme j'ai dit, le personnage était fade au début. Je m'en fichais royalement. Et dans cette saison 2, je trouve le personnage très intéressant. Et surtout avec ce qui lui arrive, avec le job qu'on lui donne. Et ça va amener des choses enfin, qui me semblent très intéressantes. Il y a l'autre intrigue qui se développe avec lui sur laquelle j'ai mis des réserves, c'est cette intrigue de drogue. Ah Qu'on ouais. va développer dans le troisième épisode. Enfin, à voir comment ça tourne et en quoi ça va. Enfin, j'ai quelques théories dans un coin de ma tête. À voir ce qu'ils en font dans la série, mais pour l'instant, j'ai mis quelques réserves sur cette intrigue. Ça, c'est aussi une des conséquences de ce qui lui est arrivé. Bon. Oui, à voir. Voilà, bon, en tout cas, pour ma part, une saison qui commençait un peu. De manière difficile, enfin, voilà. Vraiment, moi, l'épisode 2, ça a été dur. J'ai pas du tout aimé cette fin, je l'ai trouvé long. Enfin, j'ai l'impression d'avoir traversé le désert en le regardant. Parce que tout était hyper convenu, il n'y avait pas de surprise, on avait vraiment la recette appliquée, etc. Et moi, pour moi, cet épisode 2, c'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Et puis l'épisode 3, il y a plein, plein de choses, notamment plein de références et de clins d'œil, enfin, le We Used to Be Friends, enfin. Oui. Forcément évoque plein de choses dans la tête des fans de Véronica Mars et puis même le ton des blagues, la façon dont on s'est écrit, voilà, il y avait j'ai l'impression d'avoir retrouvé les zombies. Donc à voir si maintenant dans cette deuxième partie de saison qui sera peut-être en plus une saison plus longue puisqu'on sait qu'il y a eu les backorders de script. Voilà, comment ils vont réussir à développer tout ça sans tomber, et à mon avis, ça va être là le vrai danger, sans tomber dans le procédural pur et simple. Si c'est Il y vraiment. aura bien sûr quelques épisodes comme ça. Et la saison 1 avait des épisodes sans fil rouge mythologique, enfin, en filigrane avec Max Rager, mais enfin, ce sera la même chose. Il y a des épisodes qui seront juste le cas de la semaine. Et c'est à mon sens le danger d'une saison plus longue. Et si on a une saison en 22 comme ou 21, enfin voilà, Très comme on pourrait avoir, enfin comme il pourrait s'annoncer suite aux commandes de script et compagnie et machin, ben j'ai pas envie parce qu'on va avoir forcément des épisodes comme ça. Et c'était très bien en 13 épisodes. Surtout qu'après, ils pourraient mettre Legends of Tomorrow cette case horaire. Parce que Oui, c'est voilà. diffusé juste après Flash. Oui, après, en termes de commercial, on va dire oui, ça serait pas une mauvaise idée. Mais surtout pour la série, je pense que le rythme de 13 épisodes était le bon. Et j'ai peur que là, ça soit un piège que tende la CW à la série, sans le vouloir, hein, parce que la série fonctionne et que du coup, ils ont envie aussi d'en voir plus pour plus vendre derrière de spots et machin. Enfin, c'est logique leur démarche. Mais j'ai peur qu'au final, ça ne serve pas la série et qu'on retrouve tout ce que moi j'ai vu dans les deux premiers épisodes et qui m'ont vraiment fait craindre pour cette saison. Donc c'est. Moi, je pense qu'ils vont attendre encore quelques semaines avant de se décider pour les 22 épisodes avec les audiences. Parce que les audiences des trois premiers épisodes est quand même inférieure à celle de la saison 1. Enfin, le premier épisode est dans la moyenne de la fin de saison, mais les deux derniers, l'épisode 2 et 3, les deux sont inférieurs à. L'épisode 2 a fait la pire audience de la série. Bah, c'est pas étonnant vu l'épisode déjà, et puis effectivement les Et gens. l'épisode 3 fait un peu plus, mais quand même en dessous de la saison 1 et du premier épisode de la 2. Si les gens ont, comme moi, ressenti ce risque de lassitude et de virer dans le procédural, peut-être qu'effectivement ça les a moins incités à revenir pour l'épisode 2, et voilà, c'est aussi un des risques. Bon, en tout cas, pour la suite de cette saison, on est d'accord, on reste. Oui, moi je reste et je vais même revenir en Voilà, derrière, arrière. tu rattrapes et puis après tu restes. Et Donc, puis Arnaud, je te pose pas vraiment la ça question. fait quand même pas mal à rattraper. Bon, ça va, t'as une série en 13, donc du coup, ça se fait assez vite. Ça se fait assez vite. On a un week-end, c'est faisable. Oui, tu nous as bien fait Agents of Shield. C'est bon. Donc voilà, pour iZombie cette semaine, on reparlera d'iZombie dans le courant du mois de novembre. Toutes les séries auront droit à un retour dans les podcasts sur nos écrans de novembre. Il nous reste. Bah ça y est, toutes les séries ont reprise. Pas non, ont repris. Supergirl, ils ont repris. Il nous reste Supergirl. Il nous reste Supergirl à attaquer. La semaine prochaine, ce sera le. Je pense qu'il va falloir que je revoie l'épisode parce que ça fait quand même un moment que j'ai vu le pilote. Eh bien, écoute, si tu le revois, je te suggère de faire comme nos auditeurs, je vais vous suggérer la même chose, de le revoir avec notre commentaire audio puisqu'il est disponible depuis mardi. Nous vous avions enregistré dans l'été avec Clément, Arnaud et Nib un commentaire audio de ce pilote que vous pouvez écouter en même temps puisqu'il n'y a pas de montage par rapport à la durée de l'épisode. Donc du coup, si vous nous suivez au début en lançant l'épisode à notre décompte, vous pouvez vivre l'épisode avec nous comme si on était dans votre salon. Je vais faire ça. Ça fait rêver avec Supergirl. Ouais, ça fait rêver d'avoir Clément dans son salon aussi. Non. Donc voilà, du coup, si ça peut vous rendre l'épisode plus agréable, bah écoutez, n'hésitez pas à l'écouter. Et puis dites-nous surtout ce que vous pensez de cette formule de commentaire audio, en tout cas qui nous avait bien plu à faire à l'époque où on avait fait Supergirl. On en a un autre en boîte sur un film Marvel, on ne dit pas encore lequel, on garde tout ça pour un petit peu plus tard. Et puis voilà, on a quelques idées d'autres choses à vous commenter. Donc en tout cas, c'est une nouvelle formule qui est amenée à revenir, en espérant qu'elle vous plaise. Donc n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Donc il nous reste donc Supergirl à commencer. Après, toutes les séries auront atteint leur rythme de croisière et du coup, nous reviendrons une deuxième fois sur chacune d'entre elles pour voir un petit peu où s'en est par rapport aux saisons premières, parce qu'on avait débuté quasiment que les saisons premières de tout le monde. On fera un petit point en novembre sur toutes ces séries et puis évidemment, le mois de décembre sera consacré au bilan de mi-saison pour la plupart d'entre elles. Et puis, il viendra s'intercaler la série Netflix Jessica Jones qui viendra toute fin du mois de novembre pour les podcasts. Voilà un petit peu le programme de tout ce qui vous attend du côté de sur nos écrans. Sachez également qu'on se retrouve chaque mardi pour le MAG. Le numéro 28 est à venir mardi prochain. Le lundi, sur la chaîne YouTube, c'est la sélection des sorties comics en VF. Et puis, le retour de ce qu'on appelait avant la Padawan Edition et qui maintenant devient Comic Stories présente, c'est pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous aurez droit à Comic Stories présente Supergirl. D'ici là, bonne série, bon comics et à bientôt. Salut.